À l'occasion du 61e anniversaire de la constitution du Comité de solidarité afro-asiatique de Corée, une cérémonie a eu lieu le 30 mai à Pyongyang. Y ont participé le président et les membres de ce comité, les membres du Comité coréen de solidarité avec les peuples du monde et du Comité national coréen pour la paix et d'autres organisations sociales et les citadins de Pyongyang. Lors de la cérémonie, on a lu les lettres de félicitations parvenues du Comité coréen de solidarité avec les peuples du monde, du Comité national coréen pour la paix et d'autres organisations sociales de la Corée. Ensuite, on a prononcé le rapport qui précise l'orientation des activités et les tâches du comité après avoir estimé haut les succès que le comité a remportés ces 61 derniers ans pour la réunification indépendante nationale et le renforcement de la solidarité anti-impérialiste, de l'amitié et de l'unité avec les peuples de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Après le rapport, on a projeté un film vidéo montrant l'histoire du Comité de solidarité afro-asiatique de Corée dès sa fondation.